Donc on fait comme ça, on se répartit les trucs de gauche, de Tout à droite. fait. Donc on piffe un peu en fait. On piffe un peu. Très très très très Comme à très. l'accoutumée. Non, l'accoutumée, on n'a rien à raconter. Là, on a Ah, c'est ça! plus de trucs à raconter, Ah mais on oui, n'a tout à pas fait. décidé un peu de l'ordre. Est-ce qu'on y va-t-il? Mais tout à fait. Très très bien. On est parti? Oui. On y va. Faites chauffer les moteurs. Dégrafer les soutifs. Ah, carrément. Je sais pas. J'en ai pas mis, moi. Écoute, je vais dégrafer le mien. Très très bien. Ah, c'est fait. Bon, et bah, bienvenue dans cet épisode 7 de la saison 2 de Road to Hellfest. Yeah! Et avec une banane d'enfer! Wouhou! Et on n'a pas trinqué. Oh Ah merde, merde! on y fera. Ouais! Alors, je t'entends dire que les bruits pouvaient être très très mal interprétés. Oui, je Et sais. je. Non, As-tu non. passé. Ah, pardon, oui, Oui, tout à fait. d'accord. As-tu passé une bonne semaine, Bob? Non. Ah bon? Ouais, c'était de la merde. À quel niveau? Bah, à peu près à tous les niveaux. Ah merde. Même ce week-end, t'as pas eu un, je sais pas, un bon samedi soir? si, c'était sympa samedi Ah, soir. Ah ouais, ah ouais. tu Ah vois? ouais, non, c'était sympa. Parce que dans notre souci de transparence, on va quand même vous expliquer un petit peu les dessous de ce podcast. Eh À ouais! savoir qu'on arrive, on prépare, La dentelle. on prépare jamais trop les épisodes à l'avance. Donc on était souvent sur une base du lundi pour le mercredi. Et puis là, j'avais dit à Bob, dis donc, Bob! ce serait bien qu'on bosse un peu en amont, on pourrait faire ça, ça et ça. Et puis Bob, de sa malignité maligne, me dit, eh, mais exactement, faisons ça. Il dit, voyons-nous. Moi, je dis, d'accord, quand? Non, alors, c'est pas ça. J'ai dit, voyons, non, tu m'as dit, il faudrait qu'on se voit. Ouais. Et je dis, oui, quand? Non, c'est toi qui dis quand, vu que moi, je dis, qu'est-ce que tu proposes? Bon, bah, bref, en tout cas, pour dire qu'au Voilà. final, on se dit, très bien, voyons-nous, on arrive à se mettre d'accord, et au final, on a juste passé une bonne soirée. En Ouais, fait, c'était sympa. on a mangé des pizzas, Ouais. on a joué à Citadel, Ouais. et puis on a bu un petit Jack Daniel's. Tennessee Fire. Ouais, et ben, il met le feu, comme on dit. Ouais, tout à fait. Donc voilà. C'était un bon samedi. Ouais, c'était Par contre, sympathique. on n'a pas On avancé. n'a pas On avancé n'a du pas tout. avancé du tout. Hein, Donc, du coup, ça. on a recommencé le lundi pour le mercredi. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais Bah, on progresse un petit peu. Maintenant, on a un document de travail. ouais. Donc, Qui s'éteint tout le temps. croyez-moi bien que d'ici à la fin de la saison 2, on aura la max. J'aurais peut-être rangé la table. Ouais. Ah, j'ai pas fait de meubles. Meubles! Vite! Attends, j'ai pas fait Ah, de blague parce alors. que attends. Bon. Alors. Le Meganora, hein, qui est un carbonifère, tout à fait. Ça, on ne le dit jamais assez. Mais bien sûr, hein, profitant de l'expansion du feuillage, c'est à cette époque qu'apparaissent les premiers insectes. Le Meganora Moi, j'aime bien quand il ressemble à pleut. une immense libellule. Leur taille peut dépasser 50 cm. Ah, quand même, la Leur vache! taille, Ouais, leur taille peut. T'imagines? c'est quand même Mais tu te rends compte? c'est quand même du bel orteil déjà. C'est vrai. Et leur envergure atteindre les 70 cm, mon gars. Hey. C'est énorme. Vivant près des marais, bon, ça va, on était tranquille, ils se nourrissaient d'autres insectes. Et ça, Et voilà. on Et ne le ça, dit jamais alors, assez. c'est le Meganeura. Méganeura, très Avec très bien. Est-ce que ça E-U. s'écrit comme ça, se prononce? Méga, oui, Neura, Neura. Voilà. Parfait. Pour ceux qui veulent faire des Oui, recherches. et toujours n'hésitez pas, un complément d'information vous sera donné dans le podcast sur les dinosaures. Tout à fait. Tout sur mon dino. Voilà. Voilà. C'est ça qui est bien. Du coup, comme tu m'as demandé, bah, je te réponds, oui, moi aussi j'ai passé une bonne semaine. As-tu passé une bonne semaine? Oui, grosso merdo, oui. Alors attends, je remémore, oui. Un petit rototo, bravo, bravo. Ouais, non, si, ça va. Ça va? Oui, non, Eh ça va, bien, tant mieux. ça pouvait aller. Rien de, tu sais, rien de genre, Ouais, la semaine de d'extraordinaire. ma vie, non. Genre, on t'a pas invité. Genre aller Aller voir voir un un concert de concert mes. Non. à Budapest, Ouais, ce non. serait quand même un peu une bonne semaine Ouais, déjà. ce serait pas mal. Ça serait pas mal, Ouais. ouais. Bon, on a les amis qu'on mérite. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, on vous le dit tout le temps vers la fin du podcast, qu'on dit, hey, manifestez-vous, tout Voilà. Mais là, ça. on va vous le dire au début Voilà, du comme ça, vous podcast. n'êtes pas obligé d'écouter après. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir plus de retours parce qu'on voit que des gens écoutent, on a les chiffres. Ils sont pas. Ouais, on a des chiffres, on a même les noms des gens qui Voilà, écoutent. on dira rien parce qu'on n'est pas des balances. Mais faudrait pas trop. Hein. Bon. Quand même. Du coup, par contre, si, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu un retour de quelqu'un qui aime ce qu'on fait et qui a vraiment adoré ce qu'on a fait. Ouais. Du bout en bout. Ah ouais, ouais, ouais, vraiment. Et bon, bah, le problème, c'est que. C'est une fille ? Non, non, le problème, c'est que c'est le mec qui a quitté le podcast à la fin de la saison 1. Ah, enfoiré. Voilà, c'était ça. La... Ah oui. Ah bah oui, forcément. Du coup, c'est à toi que c'est de toi que je parle, Joe, et on voudrait, bah, tout droit de toi, Elfès, voudrait te dire félicitations pour la naissance de ta deuxième petite fille. Voilà. Félicitations, Joe. Et on comprend que tu sois pas venu aujourd'hui parce que alors, c'était pas non plus. Moi, je comprends pas, mais bon. Ouais. Si, mais parce qu'elle vient de naître. Oui, mais je comprends pas quand même. D'accord. Parce qu'elle vient de naître. Ah d'accord. Je comprends mieux. Ah merci. Et donc, on espère te voir très bientôt et que bah au moins. Quelqu'un nous écoute. Voilà, au moins une personne nous écoute. Enfin, on a des retours de une personne. N'hésitez pas, hein, les gens. Je veux dire, on mange pas, on mord pas. Même pour nous dire, c'est pas terrible. Hein. Ouais, on a déjà eu un retour. On dit des conneries, c'est obligé. Donc, s'il vous plaît, ayez le sens un peu critique. Mais oui, nous, on demande qu'à s'améliorer. Nous ne demandez pas d'être pointu trop. Hein, nous ne sommes que des humains faits de chair et d'os. Ah, moi, j'ai aussi des pouvoirs magiques. Ah ouais ? Ouais. Tu me les as pas encore montrés ? J'ai pas le droit. C'est comme les licences de karaté et tout ça. Ah oui, tout à fait, ouais, t'as pas le droit de t'en servir. J'ai pas le droit de m'en servir. Voilà. Tu le pratiques pour ne jamais avoir à t'en servir. C'est ça. Tout à fait. C'est ma voie de la sagesse. Oui, c'est un peu con. Mais ah bah attends, on verra en cas de fin du monde et d'attaque. Ah, ouais. Tu vois que là, c'est ça. Là, j'aurai le droit. Moi aussi, j'ai des super pouvoirs dans ces cas-là. Si, attends, on rigole. J'ai été voir Justice League. Alors. Ah oui, tu m'as fait une critique. Ouais. Assez. Bah ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est un peu comme. T'avais bien aimé Batman vs Superman ? Je l'ai pas vu. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Mm. Du coup, je vais pas te spoiler. Si, j'ai vu Batman de Tim Burton. Ah oui ? Ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Bon, alors, voilà comment je vais te résumer les choses. Et imagine, toi, tu dis, tiens, je ferais bien un film de super-héros avec dedans plein de super-héros. Ouais, d'accord. Tu vas dire, bah, en face, l'ennemi va se faire déboîter en deux secondes. Forcément, il y a plein de super-héros. Et ben voilà, c'est ça. Et voilà, c'est complètement ça, hein, vraiment. Ouais, c'est l'acteur qui jouait Aquaman, je ne sais plus son nom. Oui, Jason Momoa. Momoa. Et apparemment, plein de ses amis ont dit que le film n'était pas terrible. Bah, il était tout chamboulé. Bah, le film n'est pas terrible. Ouais, c'est le ça. Film, j'ai pas passé un mauvais moment. Oui, on fait des critiques cinéma, on s'en fout, d'accord. C'est notre podcast. Voilà, c'est ça. J'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis ennuyé un petit peu parce que c'est le style à Zack Snyder. C'est un peu lent par moment et tout ça. Donc, t'as le temps de se poser des questions. Ouais, enfin, t'as quand même le temps. Je trouve que le travail commencé avec Batman vs Superman dans la montée en puissance des personnages a. Bien sûr, il y a un moment donné où le film dégringole et se casse la gueule. Mais, comme d'habitude. Avant ça, c'est bien. Là, il y a un petit peu un début de ça où les personnages sortent. Oh, un chien. Où ? Ah, j'ai entendu un chien, moi. Ouais. Ah, toi aussi ? D'accord, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, j'ai dans ma tête. Bah, c'est ça. Bref, c'est. Oui, je vais arrêter là cette critique de cinéma, c'est pas le but. C'est pour gratter des minutes. Ouais, en plus, c'est moche de faire ça. Non, disons en fait que si je devais faire un comparatif sur deux univers qui n'ont rien à voir, Marvel et DC, j'en suis conscient, c'est pas la même chose, mais dans le premier Avenger, on sentait une menace supérieure au personnage et qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour y arriver, mais malgré ça, ils se prenaient quand même des tornades dans la gueule, c'était compliqué et rien n'était gagné, même si comme c'est un blockbuster, on savait bien qu'à la fin, les gentils gagnent. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf qu'à aucun moment, on est inquiet ou en danger pour eux parce que voilà, ils se mettent ensemble et c'est la fête. Ouais. Donc, voyez-le, faites-vous votre idée. Si vous n'aimez pas les gentils qui gagnent, regardez 31. D'accord. Merci de m'avoir semi-spoilé le truc. Tu l'as pas vu ? Bah non, je l'ai pas vu, tu m'as toujours pas prêté. Mais en même temps, de toute façon, tu t'en doutes bien. Puis, je t'ai pas spoilé le truc. Moi, ça suffit avec ça, j'ai tellement regardé le machin que... Putain ! J'arrête. Je me casse. Allez, bon, reprenons le cours des événements. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles du côté de chez Hellfest Productions depuis une petite semaine ? Et que des bonnes nouvelles. Ah, génial ! Est-ce qu'on a quelques news croustillantes que personne d'autre va avoir ? Ah, mais bien sûr que non. Donc, on est comme les autres. Oui, voilà, c'est ça. On n'a aucun passe-droit. Ben non. Juste entre parenthèses, je pense que je vais sortir et abattre ton chien. Oui, tout à fait, qui n'est pas le mien. Bah, c'est pas grave, je veux abattre un chien. Et voilà. Car, tu vois, là, le pied de parachute. Chanson des Zabriskie Point. J'ai tué un chien. Chien qui n'était pas le mien. Non, c'est pas ça. Du coup, on a quand même techniquement deux news officielles. On va dire trois news officielles Hellfest. Donc je te laisse commencer par la première, à savoir... pourquoi les festivals... les festivals awards, c'est ça? Non, ah, mais c'est pas ça. Ah, les quatre groupes. Oui. On a la suite des groupes annoncés, commencés à être annoncés la semaine dernière. Les quatre derniers noms des 13 premiers groupes. Ah, d'accord. On les avait pas annoncés, en fait. Oui, c'est ça. Donc, si vous ne le savez pas... Si vous ne le saviez pas... En fait, je suis un peu perturbé à cause du bruit qu'il y a dehors. Je connais pas la source. C'est un chien. C'est un chien, oui, mais lequel ? Non, c'est le tien. Donc, sur les main stage, produiront. Voilà. Peut-être revenons-nous. En fait, est-ce qu'on peut dire que j'ai eu un peu de pif et qu'à moitié ? Pas du tout. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, je sais pas de quoi on a parlé la semaine dernière. J'ai dit qu'il y aurait body count. Mais non, justement, j'ai dans la même continuité, j'ai dit qu'il n'y aurait pas. Annonce d'abord les groupes parce que sinon je te. Alors, les quatre derniers noms, pour les 13 noms qui devaient être annoncés, les 13 premiers noms qui devaient être annoncés, A Perfect Circle, voilà, Body Count, est-ce qu'on a besoin de dire Fit, Ice-T? Je ne sais pas. C'est marqué. Après, voilà, c'est pas noté hein, dans le docu. Parkway Drive et Deftones. Alors, faisons d'abord les choses dans l'ordre. Est-ce que dans ces quatre groupes, tu es plus hypé que par les 9 premiers noms? Deftones. 9 premiers noms, 4, quelque chose qui n'a pas dans les mains. Non, c'est ça. Deftones, oui. Deftones. Et peut-être Body Count qu'on a loupé, qu'on voulait voir. Alors, c'est pas qu'on les a loupés, c'est qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu entrer. Techniquement, on n'a pas pu entrer. Parce qu'on était en basket ce jour-là, et du coup. Ils ont dit bon, après ça. Parce que le Hellfest a ses petits endroits. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Et ben, moi, j'ai envie de te dire que quelque part, c'est presque. Parce que j'ai les quatre noms que j'ai préférés de tout ce qui a été annoncé. Parce que, déjà, j'aime bien le Perfect Circle, même si on peut toujours. En fait, c'est quand même vachement populaire comme groupe. De là à dire que j'ai envie de les voir au Hellfest, la question n'est pas, mais voilà, moi j'aime bien. Body Count, exactement de la même manière que tu l'as dit, j'aimerais bien les voir. Parkway Drive, en fait, c'est un groupe que j'aime bien depuis un moment, et en plus, pour avoir regardé des lives, le fait de voir un guitariste qui joue en tongue, moi, ça m'a... Imagine le blond surfeur qui est en tongue. Et qui fait du gros metalcore. C'est très paradoxal. Ouais, totalement. Oui. Et ça, j'ai dit, j'aimerais bien voir ça. Juste pour aller voir un mec qui joue de la guitare en tongue. Non, jeter une canette de bière, oh, respecte-toi, bordel de merde. T'as écouté la musique. T'as écouté la musique que tu fais. Musique n'a rien à voir avec ça. Donc, voilà. Et Deftones, parce que ça fait toujours plaisir de voir Deftones. Tout à fait. C'est exactement pour ça aussi, moi, que. Parce que ça fait toujours plaisir. Par contre, c'est vrai que je m'étais gaufré totalement parce que j'avais dit qu'il n'y aurait pas un Perfect Circle. Là. Et j'avais surtout dit que ça allait être quatre groupes annoncés des autres scènes. Et quand j'ai vu que c'était marqué que des groupes en main stage, je dois dire que j'ai été assez. Déçu. Ouais. Clairement déçu parce qu'en fait. Et moi donc. Ils nous ont annoncé 13 groupes de main stage et je trouve ça un petit peu comme s'ils s'adressaient vraiment qu'à un certain public. Et du coup, je suis pas... En fait, autant les noms m'ont fait plaisir, autant l'ensemble, en fait... La com en elle-même... Tu vois, pour moi, c'est bizarre. Enfin, après, ils ont une drôle de façon de faire. Ouais, cette année est un petit peu... c'est pas comme d'habitude. Mais bon, c'est comme tout. Il y aura forcément ceux qui diront « Oui, mais bon, c'est comme un... » je sais pas si tu l'avais dit, comme un gamin à Noël, t'attends d'avoir... C'est ça. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent plus, quoi, qui ont envie de savoir, quoi, tout simplement. Quoi. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui n'en peuvent plus, qui ont envie de savoir. Simplement, quoi. Tous les jours, toutes les heures, deux heures, quoi, je regarde vite fait, voir s'il n'y a pas... Je comprends ça, en fait, parce que le côté amusant des premiers noms annoncés... En fait, ça aurait été cool s'ils avaient fait un mix et qu'ils auraient continué. Tu vois, genre, on rajoute encore quatre noms et des trucs piffés à droite à gauche en disant, voilà, aujourd'hui, vous allez voir les quatre noms suivants. Et en fait, d'avoir balance... Je comprends pas la démarche de surprise de ces grosses têtes d'affiche dans le reste, en fait. Ouais, ils auraient pu éventuellement aussi faire ça dans le côté... 13. Ils sont restés sur le 13, donc du coup, ils auraient pu faire 13 main stage. Parce qu'apparemment, ils vont balancer l'affiche d'un coup, là. Pas comme ils ont fait les autres années, où ils ont balancé certains noms, et après, ils restaient encore... Là, tu vois, il restait 50 groupes encore à découvrir, tu vois. Donc, et ce qu'ils auraient pu faire, éventuellement, c'est 13 main stage, 13... Temple, Warzone, voilà, tu vois, pour faire un petit peu saliver les gens, tu vois. Bah, ouais. Avec tous les groupes qui passent sur ces scènes-là, je pense que 13 est plutôt un chiffre. Ou alors, dans les 13 noms qu'ils ont dit qui étaient en main stage, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas les autres comme des gros noms au même niveau, et c'est plus ça qui est embêtant, en fait. Ah bah totalement, ouais, c'est clair. Parce que... Ou alors, ils en ont sous le coude encore, et puis derrière, ils vont nous ramener... Bah peut-être. Mais je suis un Makiral de voir Avenged Sevenfold en main stage. En main stage, ou voir en gros, tu vois. Ah, mais c'est... Mais après, voilà, il y a des râleurs. Non, mais après, on a déjà évoqué ça dans la saison 1, tout ce qui est nom sur l'affiche et tout ça, ça c'est des histoires de gros sous, d'argent, de machin. Oui, bien sûr. Franchement, c'est pas... Moi, c'est pas ça qui me choquerait plus. C'est plus vraiment. Non, non plus. C'est plus la suite de ce qu'a annoncé ou pas par rapport à. Ou comment il annonce. Après, C'est plus comment, non ? Oui, bah, c'est. Maintenant, ils vont nous balancer le reste de l'affiche. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, en fait. Je le vois pas. Si c'est pour. C'est pas très compréhensible, c'est sûr. Ouais, si c'est pour nous hyper, nous donner envie et tout ça. En fait, étonnamment, moi, je l'ai déjà dit. Et je continue de le redire, mais une heure après, donc c'est une autre news qu'on avait, c'est une heure après cette annonce des quatre derniers noms, le download s'est pourvu d'une petite news pour préciser que les Guns qui venaient jouer à un vrai concert des Guns, pas un concert de festival, ils vont jouer plus de 3 heures. Et même s'ils l'ont fait un peu à la mesquin de balancer ça une heure après pour dire on est toujours là, regardez, machin, bah je trouve que c'est presque plus efficace, en fait. C'est venir vous dire, et au fait, bon, ok, le Hellfest a balancé leur 13 noms, machin, mais regardez-nous, on a les Guns pour plus de 3 heures. Donc on a un vrai, vrai concert de fin de festival. Ouais. Se dire que le lundi, qui est une quatrième journée, quoi. Voilà. Et encore, moi, j'aime pas les Guns, donc ça m'a pas fait plaisir moi non plus. Mais je trouve que ça marche vachement bien. Tu te dis, bah, on a les Guns, ils passent, quatrième journée, une journée en plus, et ils vont jouer 3 heures. Bah ouais, bah là. Pour les fans, c'est plutôt cool. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, tu dis que je vais pas me faire biaiser de venir voir un groupe que j'ai envie de voir depuis des années, que j'ai raté au Stade de France et que là je vais voir en festival une heure. Non, ils vont jouer 3 heures. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu perplexe. En fait, on l'a déjà dit, on va le redire. Tu vas forcément être d'accord avec moi. Genre du Hellfest, si vous écoutez, de base, on est de votre côté. Hein. C'est dans le nom. Road to Hellfest. Ouais. Donc, voilà. Expliquez-nous. En fait, moi, je voudrais savoir c'est quoi l'idée derrière. Je sais pas. Après, promis, on pourra dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On dit même pas que c'est pour nous ou pas pour nous. On essaie justement de voir plus large. Mais moi, je voudrais comprendre. Et je comprends pas. Est-ce que c'était parce que justement le download a balancé des trucs et dit bon bah faut qu'on balance ça, ou vous êtes vraiment, comme le disait Bob tout à l'heure, resté sur une idée de 13 groupes à donner, voilà. Moi, il me reste une inconnue dans l'équation que j'arrive pas à résoudre. Et en l'occurrence, t'es pas le seul, hein. Il y a énormément de gens, je pense, qui se posent des questions en se disant mais c'est quoi cette com, quoi, qui... Surtout qu'en comparaison avec le download, les places sont déjà toutes vendues. Oui. Alors que le download commence à les vendre. Oui, bah oui. Donc voilà. Donc je sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant. Bah tiens, maintenant voilà, je sais pas si je te l'ai posé, bah si je te l'ai posé la semaine dernière, je te la repose. Aujourd'hui, là, avec l'affiche qu'il y a des 13 groupes, est-ce que tu prendrais ta place? Je crois que tu m'as posé la question. Mais il y avait pas, ah oui, il n'y avait pas les 13 groupes. Non, toujours pas, comme la semaine dernière. D'accord. Voilà. Et ben... Quoi, tu veux une bière? C'est ça. Ah, bah voilà, bah demande dans ces cas-là. Oui, mais il y a plein de trucs qu'il faut que je gère. Il faut que j'arrive à envoyer un SMS discrètement. Il faut que j'arrive à... Écoute, je me grattais les couilles discrètement. Non, mais ça, je ne suis pas obligé de le citer. Donc, ouais, voilà. Donc ça, c'est un... Merci, ça t'arrache à la gueule. Excuse-moi. Ouais. Merci beaucoup. Bah, bien sûr. Et ça me fait plaisir. Donc voilà. Si on regarde... En plus, c'est vrai que quand tu regardes l'affiche, parce que je l'ai vue maintenant, elle passe partout en photo de couverture ou en affiche avec les noms. Ah oui, que les gens mettent... C'est vrai que ça fait joli. C'est une jolie affiche, je suis d'accord. Tu regardes, bah oui. Mais Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Le mec qui fait qui met des gifs aussi pour les groupes. Ah ouais, carrément. Bah c'est ouais, ça change quoi, c'est voilà. C'est, je sais pas après comment c'est, est-ce que c'est on peut tenir compte vraiment de ça ou est-ce qu'on en a rien à foutre, je veux dire de. Je sais pas, je trouve cette com un peu bizarre. Ouais. Voilà, moi je suis pas forcément fan. Franchement, la carte de tout balancer d'un coup, c'est pas le pire. Non. Il y a aussi le côté chercher le nom des groupes, machin, revenir et tout ça. Donc. J'aimais bien moi justement ce truc quoi. Ouais, tu vas l'avoir là. Ah oui, après on va l'avoir donc, mais il y a aucune communication quoi par rapport à quand. Je veux dire, il y a même pas de. Tu sais, c'est coming soon. Voilà, sur le dernier, la dernière annonce, c'était coming soon. Et voilà, bah, après basta quoi. Après, on peut aussi se dire que s'ils disent un coming soon, c'est parce qu'il y a peut-être encore 2-3 trucs à négocier et que c'est pas totalement réglé. Ouais, enfin, un peu de com. Voilà. Oui, mais en fait, j'ai de ce que moi j'ai pu voir à droite à gauche en termes de communication, vaut mieux rien dire que dire de la merde, apparemment. Tu vois, donc plutôt que de dire ça va venir, machin, patienter, vas-y, c'est leur 13e édition. Ils savent qu'ils ont. Ils veulent pas décevoir, ils l'ont dit dans toutes les interviews, ils savent qu'ils veulent nous surprendre, ils tentent des choses, bah, peut-être qu'au final on dira bah voilà, ça c'était raté, c'est tout. Oui, tout oui non, totalement, oui, c'est clair. Donc ils ont tenté ça, ils ont. Au bout du compte, oui. Quelque voilà, part, on peut se dire, ils ont fait. On peut aussi voir les choses autrement en se disant, ils ont tenté une nouvelle chose, après balancer 13 groupes de main stage. Moi en fait, ce qui me gêne plus, c'est plus le côté main stage qui me gênerait en fait au final. Mais peut-être que c'est aussi une négociation qu'il y a eu avant, quoi. C'est-à-dire, on vous annonce comme machin. Ou... Tu vois, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir comment. J'imagine vraiment. J'imagine une grande table avec que des pions qui représentent les groupes. Et ils avancent les pions en fonction de. Bon, bah lui, il faut l'annoncer là. Non, attends, lui, on va pas l'annoncer là. C'est comme une grande partie de risque. Oui, mais lui, il fait ça et il rentre. Ah, je finis jamais les parties de risque. D'accord. Ça finit toujours en larmes, en pleurs, en feu, des fois aussi. Hein, j'ai foutu le feu à plusieurs maisons à cause de. Ah, j'ai connu. Eh ben, personne va gagner. Mettre sens partout. Ah, ton jeu de merde. Ah. Merci pour la soirée. Très bien. Bon, bah voilà. Pour les 4 derniers noms, on attend avec impatience le reste. Vraiment avec impatience. Ouais. Oui, parce que bon, au bout d'un moment, on n'aura vraiment plus rien à dire en plus. Aussi. Pensez à nous, merde. Bah ouais, c'est ça. Mais par contre, on serait hyper friands. D'une petite discussion pour essayer de voir la démarche. Moi, j'aimerais bien comprendre. Ouais, ouais, mais pareil. Totalement. Plutôt parce que, voilà, on n'est pas représentatif de tout le monde et il y a peut-être des gens qui ont juste kiffé de voir le C13 non là et qui ont dit c'est top, machin, et qui sont contents de ça. Voilà, qui arrivent à patienter. Il y en a, je pense, qui sont tout à fait dans leur petite. Dans leur petite moufle en train de dire allez, bon, c'est bien, ça va bientôt venir, c'est cool. Ouais, non, mais voilà. Je pense que la plupart des gens ont plutôt envie de dire allez, putain, faut que ça sorte quand même. Autre news du Hellfest de cette semaine, ils nous ont conseillé de voter pour quelque chose. Quoi est-ce que c'est, Bob? Les municipales, je crois. Ouais, ils disent que la politique c'est intéressant, il faut voter. Il faut voter. Pour le European Festival Award de 2017, donc qui permet de voter pour les différents festivals de l'année. En petite taille, moyenne taille, grande taille. Je sais pas si c'est déjà les awards qu'ils ont eus ou si c'est une autre cérémonie. Il me semble que c'est cela. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben moi, j'ai pas été voté. Voilà, je le dis et j'ai pas honte. Bon, j'irai. Hein, je crois que je l'ai fait une fois. Ah non, je veux dire, j'ai pas voté pour cette année. Ah oui, pour cette année, moi. Non, j'ai déjà voté pour les autres années. Ouais. J'irai sûrement voter. Je suis pas un crevard. C'est dans le nom, Road to Hellfest. non, là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Tout le monde attend des noms et eux, ils viennent nous dire « Hey, allez voter pour... !» Ouais. Bah ouais, je trouve que là, du coup, c'est un peu... Ouais. C'est... Voilà. Hein? Petite autre news. Un documentaire a popé. Alors, le youtubeur Nota Bene, youtubeur spécialiste de l'histoire, qui a une chaîne YouTube qui... vulgarise l'histoire, était cette année au Hellfest, je sais, je l'ai vu au VIP, et a donc fait un documentaire là-dessus de, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était quoi ? L'histoire et le métal. Voilà, c'est ça. Alors, on ne l'a pas encore regardé, ni moi, ni Bob, ni Bob, ni moi, ni Bob, ni moi, ni Bob, ni moi. J'ai du mal avec ça, parce que j'essaie de me le répéter toujours. D'accord. C'est la version. C'est un un toc. Ouais. Ni Bob, ni moi. Ni... Du coup, on essaiera de le regarder pour la semaine prochaine. Oui. Ouais, merci. Oui, tout à fait, bien sûr. Qu'on en ait quelque chose à dire. As-tu déjà été sur cette chaîne YouTube? Jamais. Ah. Est-ce que tu aimes l'histoire? Ouais, plus ou moins, oui, quand même, ouais. D'accord. Ah, ouais. Mais tu préfères les galéjades? Et les petites boutades, bien entendu. Bref, c'est toujours cool, en tout cas, que... Il y a des choses d'autres à voir liées au festival ou au métal et tout ça, donc voilà. C'est intéressant. Hein. Voilà, j'espère et j'ai hâte de le voir. Il y a un autre documentaire qui s'appelle Peak of Destiny, sur l'histoire du diable qui a perdu sa dent, qui en a fait un plectre. Non, t'as jamais vu ce documentaire? C'est un film. Voilà, voilà. Ok. Alors, notre ami Richard. Hey! Salut Richard. Salut Richard, qui est absent cette semaine, mais qui va venir avec Trivium. Non. Voir nous. Qui va venir avec nous voir Trivium. Enfin, en même temps, j'ai eu une petite nouvelle tout à l'heure qui a fait que je vais peut-être pas pouvoir aller voir Trivium au niveau financier. Je vais être un peu short au mois d'avril. Parce que c'est faut que j'aille... Bah oui, à Budapest. Hein. Oh, hé hey. Bon, voilà. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est un ami pour un ami. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est important de le préciser. Mais bien sûr. Donc, Richard m'a contacté via le réseau social Facebook pour me faire part d'une news que tu avais toi-même remarqué il y a quelque temps déjà. Bah, tu dis tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Il semblerait que Dimmu Borgir... fameux groupe de black metal. Ah oui. Fameux. Ah bah oui. Serait dans les terres clissonnaises en cet été, presque été 2018. Ouais. Car sur le site de je ne sais plus quoi, apparaît qu'ils seront en tournée et qu'ils seront à voilà, ces dates-là, ouais. Clisson. Je sais pas, tour manager ouais, ou c'est ça, machin, ouais, c'est marqué. Et ils sont à Hellfest. Voilà. Donc. Donc il y aura Dimmu Borgir. Potentiellement. On n'est pas au courant, on les a pas contactés. Ils nous ont pas contactés non plus d'ailleurs. Si, ils sont venus vers moi. Mais bon, j'ai pas répondu parce que je connaissais pas le numéro. Alors du coup, ils ont laissé un message. D'accord. En disant oui, effectivement, c'est marqué, mais pour l'instant. Ils parlent français donc. Oui, enfin, je le traduis. Ah oui. De quelle langue? Oui, c'est ça. Ouais. Tu regardes. L'escroc, il est pas mieux. Quoi, je sais. Fur des maniaques. Très bien que ce sont des Suédois. Tu feras un autre erratum, c'est pas grave. Ah, bah, on peut pas faire que des erratums. Oui, parce que j'ai un erratum à faire. Et je tiens déjà en. À le préciser. Voilà. Non, Dimmu Borgir, j'en ai aucune idée de leur nationalité. Bah, on s'en fout, la musique n'a pas de nationalité. C'est vrai. Hein? C'est vrai, puis je trouve pas en plus. Mais... Voilà, c'est pour ça, je préfère qu'on en reste là. Je suis d'accord ce que je préfère qu'on en reste là. Je suis complètement d'accord sur ce que tu dis. Voilà. Hein. Et donc on a vu ça et donc la connerie c'est que oui. Bah, bon, je vais continuer. Oui. Hein, donc ils m'ont dit que oui, peut-être éventuellement t'es au festival Hellfest cette année. Et qu'ils en étaient très contents. Et qu'ils étaient ravis que c'était plutôt une bonne nouvelle pour eux. Qu'ils aimaient bien ce Slayer. Avec qui parle-t-on la fiche ? Tout à fait. Donc, voilà. Donc ça, c'était, voilà, c'était bien. Oui, voilà. C'était la news de Richard. Merci en tout cas, Richard. De toujours nous donner des... Ouais. N'hésite pas, si t'en as d'autres, pas nous rappeler. Si. Attends, j'irai même plus loin. Richard, tu viens quand tu veux. Mais tout à fait, tu es le bienvenu. Alors là, ça sera avec un... En plus, j'ai hâte d'avoir ton avis sur les... 13 premiers noms, il me l'a déjà donné. Ouais, mais qu'on l'entende vive voix. De vive voix. De sa voix qu'il aime bien d'ailleurs. C'est vrai. D'ailleurs, il aime sa voix. Étonnamment, c'est assez amusant. Mais toi, Richard, tu ne le sais pas. Mais tu connais Joe. Bah, je te parle comme si tu écoutais le podcast. Tu connais Joe qui a quitté le podcast en fin de saison 1. Voilà. Vous étiez à l'école ensemble dans la même classe. Voilà. Le monde est petit. Vous soulignez ma collection de vinyles. Oui, pourquoi pas. Voilà. Oui, donc, j'ai pas d'autres références, mais ouais, c'est sympa. Très très bien. Passons ensuite à quelques news en vrac. Oh, ouais, les news en vrac. Donc, alors, la félicitation de Joe, c'est fait. Félicitations, Joe. Je le redis une deuxième fois. Ouais, bah, bien sûr. Alors, Machine Head a fait parler de lui cette semaine. Et que pour... et pas que pour... des jolies choses. Voilà. Alors, ouh, ouais. C'est le moment ouh, de l'émission. Il faudrait un bouton. Il faudrait que je trouve un peu. Ah, je veux bien le faire, ça me pose pas. D'accord. Je le fais tellement bien. Donc Machine Head a annoncé la prévente de son nouvel album Catharsis. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est chouette. Et on a profité pour nous sortir un single dont j'ai déjà oublié le nom. Pareil. Parce qu'on ne l'a pas noté, en fait, tout simplement, et qu'on ne peut pas se rappeler de tout. De tout. Nous ne sommes pas des machines. Non, nous sommes des êtres humains. Comme le disait Mizu Mizu, ils ne sont pas une machine. Il l'a dit, ça. Beyond the Pearl. Exact. Donc, qui est sorti le vendredi. Si c'est comme les sorties d'albums, c'est le vendredi. Ouais, sûrement, voilà. Et donc, si, les sorties cinéma, c'est le mercredi. Les sorties d'albums, c'est le vendredi. Ouais, c'est vrai. Ça, mets-toi au courant. Mais je sais. La presse. Exact. Et du coup, j'étais assez content de dire, hey, cool, du nouveau son, du nouveau matériel de Machine Head à écouter. Voilà. Je l'ai écouté. Et que wesh pas passé de... Non, parce que j'ai pas réagi, moi. J'ai pas du tout machin. Mais c'est l'internet mondial qui s'est enflammé parce qu'il y a une petite polémique. Il semblerait que... Jean-Pierre Pernaut, tout ça. Ah, mais il est... Mon Dieu. En une de 13 heures. Hein. Il semblerait que le riff, le principal et premier qu'on entend de la chanson, soit à quelque chose près le même que le titre Love de Strapping You Laid. Pour t'avoir vu samedi soir, Bob, je t'ai fait écouter les deux chansons. Tout à fait. Et qu'en as-tu pensé de cette similitude? Mais je me suis dit, ah mon Dieu, non! Exactement, parce que c'était quand même un peu le même. Tout à fait. C'est quand même Mais c'est totalement le même. Et tu as rajouté, que même la batterie accompagnée, pareil derrière. Mais oui! Après, bon. Après, c'est peut-être le riff de guitare en lui-même qui. Qui donne envie de faire ça à la batterie. Après, c'est sûr que derrière, tu rajoutes de l'accordéon, c'est complètement différent. Quoi. Et là, voilà. Écoute, Rob, la prochaine fois, mets de l'accordéon. Voilà. En vrai, si on devait faire une petite... j'arrête pas de faire. C'est bien. Ouais, c'est chiant. Ouais, mais moi aussi. Ouais, je pense qu'on va nous le dire. Hein. Ou pas. Ou pas. Réagissez. Hein, sur N'hésitez pas sur les... Voilà. On a un mail. Hein. non, alors, en vrai, je pense qu'il y a d'innombrables riffs qu'on retrouve à droite, à gauche, et qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à ça, parce qu'il y a quand même une discussion entre Devin Townsend et Rob Flynn par Twitter interposé, et que, aucun des deux, Devin Townsend n'en veut pas à Rob, il se dit, c'est pas grave, c'est pas fait exprès, et Rob dit, il n'a pas dû le faire exprès, et je le crois, parce que je pense qu'il a autre chose à faire que de piquer quand même le riff de la chanson la plus connue de Strapping You Laid. Et puis tout ça mange la même quantité. Mais oui, ça se trouve. Il l'avait montré à l'époque où il ne l'avait pas enregistré. Et puis Rob il a dit, c'est sympa ton petit riff. Et puis c'est resté au fond de son crâne. Voilà. Et tiens, je pourrais le jouer puis comme ça. Puis ça se trouve, c'est Rob qui lui a montré à un moment un coup dans un bar. Puis l'autre, il lui a repiqué. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce que je veux dire, c'est que... Vu le nombre de chansons, de groupes de métal qui peut exister, des riffs qui sont repompés. Bon, après, là, c'est vrai que c'est un peu flagrant. Mais c'est totalement flagrant. Donc, en plus, pourtant, j'étais parti du zoo. Oh, ils doivent se planter, les mecs. Puis quand j'ai fait la comparaison, je vais... Ah oui, quand même. Là, c'est pas trop défendable. Mais bon, après, c'est entre eux. Ils s'en foutent, quoi. Les uns les autres. Mais ça fait un peu une mauvaise pub quand même parce que Rob a été s'expliquer. Donc quand tu commences à le justifier, c'est que ça pue toujours un peu du cul. Ah bah oui, enfin derrière, il n'y a pas vraiment le choix aussi. On lui pousse au cul pour que. Mais je dis pas oui, mais non, mais c'est la merde. Après, il pourrait très bien dire rien à branler. Je fais comme je veux. Non, il l'a dit clairement. Il dit désolé. En gros, genre, c'est possible. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise de plus de toute façon? Non, mais voilà, c'est ça. Okay, pareil, je retire mon morceau. Rob, n'hésite pas si tu as besoin de venir faire un communiqué ici. Il n'y a pas de souci, c'est open. Au pire, au mois de mars, on se voit. Voilà. Oui, tout à fait. Donc on peut en parler. Bah, tu pourras. Ouais, je vais lui envoyer un message Facebook. Bah. Il doit répondre de toute manière. Ah, bah, il y a intérêt, ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de. Ah bah je pense pas, non. Non, c'est Rob. Hein. Ah ouais, je pense. Ouais, respect. Bah voilà. À toi la prochaine news. Pif, mon gars. Pif. Pif. Ouais. Pif et Hercule. Tu... De troquer un peu des fonds, des fonds, des tornules. Il choisit en fait la news d'ailleurs. Ouais, bah oui, je meuble. Mais t'as bien raison. Ouais. Donc, et ben là, du coup, nous sommes ou pas au dossier. Déjà ? Je ne sais pas. Ah, donc on zappe toutes les autres news. Non, non, non, non. Bah dis-moi, parce que là, du coup, tu m'as envoyé que ça. Mais non, en dessous. Tout en dessous. Mais tu, ouais, mais ça a changé la dernière fois. Ah bah oui, il y a ça. Ah bah il y a ça. Oh bah il y a. Bah oui. Ah oui, il y a Alstorm aussi qui a sorti une nouvelle chanson. Et non, j'ai cru. Une remasterisage de Captain Morgan's Revenge. Et on a écouté hein, tout à l'heure. Tout à l'heure. Et on entend bien la différence. Voilà. Hein, donc en fait, c'est pour les 10 ans. Voilà. Ils ont décidé. Du titre. Non. Et de l'album. De l'album. Au mois de janvier ressortira donc la version remasterisée. Et remixé de leur premier album. Petite dédicace. À Tony, car Tony, toi-même tu sais, Captain Morgan. Voilà. Il a au moins 2 épisodes de retard, donc avant qu'il écoute. Mais bon. Ah ouais, on sera loin. On sera loin. Galapagos, sera loin. Mexique. Budapest. Ah, peut-être, hey. Éventuellement. Sinon, le. 200 balles, quoi. Ah, In Flame, sans prévenir personne, a sorti un petit EP de reprise. Done Weekend. T'as les mecs qui pourraient nous prévenir quand même, merde. C'est vrai. Donc, une chanson de Depeche Mode, une chanson d'Alice in Chains, une reprise de Chris Isaak, Wicked Game, et un live de Hurt, la version de Nine Inch Nails, et pas celle de Johnny Cash. Puis, ça peut être la même. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est un bon exemple. Oui. J'ai écouté cette EP, je l'ai écouté 2 fois, dont une autre fois ce matin, et franchement, je n'en ai pas compris l'intérêt. Ouais, ils se sont fait plaisir. Voilà. En fait, ils l'ont fait comme ça, je pense. Ouais, voilà. Mais je comprends pas, moi, c'est qu'ils le sortent en EP, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Tu fais ça en répète à la rigueur, ouais, pour faire plaisir. Ou si ça. Tu dis, tu vois, par exemple, il y a quand même 3 morceaux et un live, ils auraient très bien pu avoir que des versions live pour eux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je trouve pas qu'il y ait une de leurs versions studio qui apporte quelque chose, la version live non plus. Quand on voit justement la différence entre la version de Johnny Cash et de Nine Inch Nails, tu te rends compte que là, tu vois l'intérêt de faire une reprise. Ouais. Dans cette EP, voilà, bah, c'est la version en plus de 2016-2017 d'In Flame, donc celle avec la mauvaise prod, j'en dirais, ce qui a un peu tué le dernier album. Et du coup, t'as vraiment l'impression que. Alors, soit d'un côté, In Flame a déjà prouvé qu'ils pouvaient jouer du métal bien métal, et donc ils n'ont plus à le faire, ils se disent on fait ce qu'on veut aujourd'hui, et donc ils se sont fait plaisir avec des chansons dites calmes. Ah oui, je crois qu'ils sont là, et puis du coup, ils s'en foutent, quoi. Bah. Ils ont déjà fait des reprises métal, ils avaient fait une reprise de Metallica, ils avaient fait d'autres trucs comme ça, et dans l'esprit métal. C'est juste que là, je comprends pas l'EP de reprise, sauf si c'est juste pour se dire, voilà, on se fait un petit moment de détente. Mais dans ce cas-là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, pourquoi le sortir ? En se disant, bah, ça va peut-être... Ouais, c'est ça qui je trouve bizarre. Pourquoi le mettre à la vente, quoi ? Dans ce cas-là, tu le mets... Metallica avait fait ça avant de faire sa grosse compile de... En fait... En 98, ils ont sorti Garage Inc, ouais. Qui était un double album. Le premier CD, c'était toutes les reprises qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Mmh. Et le deuxième était que des nouvelles reprises enregistrées, refaites. Ah, c'est formidable. Donc c'était, ça avait un sens. Et toutes les autres reprises, en fait, étaient sorties sur des singles. Quand tu achetais les singles, par exemple, pour les... Je sais plus, il y avait un anniversaire de Lemmy ou un anniversaire de Motorhead. Ils étaient venus, ils s'étaient habillés, ils avaient laissé sa moustache comme lui. Ils avaient fait 4 reprises de Motorhead. Elles sont sur un des singles d'un ancien titre et tout. Donc tu pouvais les avoir déjà. Et ça avait un sens en fait de les mettre en single. Que là de sortir un EP que ça. Alors que franchement, 3 titres, voilà, tu mettais ça sur un EP. Tu mets ça sur un single. Tu sais, les singles comme on a connu nous quand on était jeunes. Ouais, bien sûr. Tu avais la démo. Pochette carton. Voilà, avec la démo et puis un inédit ou un bonus. Quand on était jeune. Bah, c'est à ce moment-là que je les achetais, moi. J'ai pas racheté de single depuis. Je me demande si ça existe encore, ça. Je ne sais pas. C'est pas faux. C'est comme les paquets de 10. C'est pareil. Ça a disparu. Donc. C'est vrai. Donc, donc voilà. Je ne comprends pas l'intérêt. Peut-être que les vrais fans d'In Flame seront contents. J'ai vu aussi tout à l'heure qu'ils sortaient un parfum. Voilà. Que dire. Voilà. Bah dites-nous les fans d'In Flame si vous êtes contents. Ce sera plus simple, hein. C'est vrai. Comme ça on saura. Une autre news. Personne va partager, donc du coup, il n'y aura pas de fans d'Inflame. D'Inflame. Tu vois, on dira, merde, ils n'ont pas de fans. Non, faut vraiment partager, hein, s'il vous plaît. Vraiment, hein, faut vraiment qu'on arrive à tomber sur un fan. Même si c'est un ou deux, quoi, qui, voilà, qui nous disent si vous êtes arrivés jusqu'ici. Après, parce que, regarde, prenons un exemple. Si, par exemple, toi, ton groupe de la vie un peu mastodon, actuel. Ouais, ou Clutch, ouais. Faisait ça. Bah oui, du coup. Bah, en fait, non, ça, non. Aucun intérêt. Aucun intérêt, vraiment, quoi. Ce... Voilà. Puis j'achèterai pas parce que c'est mastodon, quoi. Je veux dire, voilà. D'accord. C'est vrai, tu t'en fous. Il s'en fout. Très bien. Ah, mais dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas... Quoi? Ah, ça sonne faux. Ah, bah d'accord, je le refais. Prends des cours de comédie. Dis-moi, Bob. Oui. Est-ce que Cavalera Conspiracy n'aurait pas sorti un nouvel album? Non. Non. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Mais si, ils ont sorti Psychosis. Ah oui, d'accord. Oui. Et est-il bien? Tu l'as écouté? Je l'ai écouté ce matin. Mmh. Et donc, parce qu'en penses-tu? Parce qu'on prépare toujours tout à l'avance. Bah oui, ce matin. Alors, est-ce qu'on survient deux secondes en arrière sur Cavalera Conspiracy, qui est un peu un super groupe, quand tu réfléchis bien, vu que c'était le retour des frères Cavalera ensemble, sur le premier album, accompagné de je ne sais plus qui, mais surtout, à la basse, d'un certain Joe Duplantier. Et qui est Joe Duplantier? C'est le chanteur-guitariste de Gojira. Et qui est Gojira? Un groupe français qui a un petit peu changé de genre, on va dire. Qui est moins dans ce qu'ils étaient avant, un peu plus dans ce qu'ils étaient moins avant. Ouais. Ouais. Je me suis réécouté justement Terra Incognita. Ouais, et c'était... Cet album est magnifique. Comme une terre inconnue? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Comme quoi le titre était bien choisi. Ouais. Est-ce que quand même t'imagines un petit peu le coup de téléphone à la con? Joe, oui, bonjour, c'est Max Cavalera. Oui. Ça serait pour savoir si tu voudrais pas jouer de la basse sur notre nouveau projet avec moi et mon frère. Oui. Comment tu demandes à un guitariste de jouer de la basse? Bah c'est ça. C'est bizarre. Bah ouais. Voilà, je pensais à ça ce matin quand j'écoutais l'album. Mm-hmm. Et donc c'est assez étrange. Ce premier album était bien. Après, le deuxième et le troisième, non. Et ce quatrième retourne avec une forte influence des premiers Sepultura, des premiers, et aussi de Nile Bomb. Ça envoie du bois pendant quelques chansons, c'est très sympa à écouter. C'est un bon album, et ça fait plaisir en fait de retrouver un petit peu d'intensité dans ce que peut faire... qui marche dans ce que peut faire Max Cavalera. Ouais. Parce que les derniers Soulfly étaient pas ouf. Depuis leur départ respectif de Sepultura, il n'y a pas grand chose forcément à se mettre sur la dent, à part les premiers Soulfly. Mmh. Là, ça fait vraiment plaisir de retrouver un truc intéressant à écouter. Moi, j'ai bien aimé cet album et je pense le réécouter un peu plus en profondeur. Mais c'est du bûcheron. Hein. C'est, voilà. Ouais, bah c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Aurais-tu une petite news sur Saxon au lieu de regarder des photos sur ton téléphone? Ah, oh, ça va quoi, un peu de porno, ça a jamais fait de mal. Non, mais bon, c'est toujours gênant quand tu les regardes devant moi. Oui, c'est ça. Non, il faut surtout pas partir sur cette pente boueuse et boueuse et savonneuse. C'est vrai, ça c'est une pente qui dérape. Ah bah totalement. Des news de Saxon. Oui. Oui, alors tout à fait. Ils auraient pas sorti un espèce d'album rétrospective? Mais quand? Oh putain. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Très bien. Saxon, ouais, je suis... Saxon a sorti un album le 18 novembre, je crois. Decade of the Eagle, qui est une rétrospective des 9 premiers albums, à savoir de 1979 à 1988. C'est un double album. Ah, carrément! Ouais. Et franchement, je pense que moi, j'ai pas beaucoup écouté Saxon, mais quand je les avais vus au concert au Download, j'avais été hyper surpris de voir que les mecs avaient encore grave de l'énergie et que musicalement, ça tenait carrément la route. Et qu'ils avaient des cheveux. Mmh. Oui, en plus. Du coup, je pense que ça doit. J'essaierai d'écouter. Cette rétrospective, j'ai essayé ce matin, je l'ai pas trouvé sur Spotify, toi-même tu sais. Et quand j'ai commencé à réécouter d'autres chansons de Saxon après Cavalera Conspiracy, bah j'ai quand même arrêté parce que c'était pas dans le même humeur en fait, j'étais pas dans le bon mood. Tu vois, j'avais, je venais non, d'écouter je les bûcherons. Faut attendre une semaine ou deux, je pense. Donc non, j'étais pas. J'en profite pour faire mon. Très sympathique d'ailleurs. Pour faire mon petit erratum. J'ai un ami à moi qui a écouté le dernier Dagobah. Parce qu'il a beaucoup d'amis. Moult. Tous avec une certaine fonction. C'est ça. Il y en a un qui lui prête du pognon. Exact. L'autre qui lui prête sa femme. Ah oui, pardon. Mais ah, on n'a pas donné de nom. Non, mais si ma femme écoute. Ah oui, pardon. Ah oui, merde. Bon, je ferai un erratum. Voilà. Donc, il n'était pas d'accord avec mon retour sur le dernier Dagobah, à savoir que la voix était trop en avant et qu'on n'entendait pas bien les instruments. Pour lui, c'était les deux précédents albums. Du coup, je lui ai dit que moi, j'avais, en comparaison, écouté que les deux premiers pour essayer de voir si, effectivement, avant, j'entendais plus les instruments et moins, et que je trouvais que la voix du chanteur était moins mise en avant. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai pas assez écouté, donc je vais écouter tous les albums. Ouais. Et ben, je dois dire que j'appuie et confirme ma critique. Le dernier album, la voix est trop en avant. Les ajouts électroniques que Schotter a décidé de faire à base de... Franchement, je lui ai décrit comme ça. J'imagine un mec qui est derrière son synthé qui fait... qui vient rajouter des sons par-dessus les morceaux. Ouais. Et comme mixage, il a poussé plus un sur la voix et sur le synthé. Qui dit que c'est pas son chat qui a fait... Non, apparemment, c'est lui, parce que j'ai cru voir. Ouais, ouais. Il en était plutôt content, en plus de dire « je suis content que tu l'aies remarqué », tout ça. A-t-il un chat ? Oh, bah en même temps, Schotter, forcément, il a un chat. Ouais. D'où il vient son pseudo, sinon ? C'est ça. Attends. Voilà, donc... C'était pas une hyène. Donc, je ne change pas mon avis. Par contre, j'ai écouté l'avant-dernier album, dont j'ai pas le nom, et il est vachement bien. Contrairement à ce que je pensais, en fait. Il faut savoir qu'après les deux premiers albums, il y a eu Fast the Colossus et Neil Mush. Meuble, j'ai cherché mes infos. Si j'ai pas mes infos, je peux pas parler. Oh là là. Bah oui, mais meuble. Et bah ouais, pense non, à ton audience. Mon audience. Bonjour, cher public. Non, je la fais pas comme ça. Si, tu peux le faire. Si, je peux le faire comme ça. Bon, il est pas là, il pourra pas juger. Oui, c'est ça. Oh non, c'est trop long ça. Ok, d'accord. J'ai. Attends. Alors. Alors. Chaque fois, en fait. Ça, c'est... Ah non, putain, mais c'est que des noms compliqués. Ils peuvent pas choisir des noms simples. Sinon, j'ai les infos. Oui, bah vas-y, voilà. Ça va être plus simple. Donc, après le troisième album, Face de Colossus, il y a eu Post-Mortem Nihil Est. Attends, c'est pour ça que les noms sont pas faciles à... C'est ça. Donc, ces deux albums-là, que j'apprécie moyennement, a une production qui me va tout à fait. On entend bien la voix du chanteur, mais il est pas trop en avant, tout ça. Machin. Par contre, Tale of the Black Dawn a un petit côté... metal rock qui est un peu plus intéressant, j'ai trouvé, qui est plus concentré sur la musique et il m'a plus plu. Et quant au Black Nova le dernier, il est un peu trop avec des touches électro qui me font vraiment sortir des morceaux. Vraiment des. C'est comme si ça appuyait dessus et moi ça me. Voilà. Ouais. Je te ferai écouter à la fin de ce podcast, vite fait. Donc voilà, je tenais vraiment à revenir sur ce que j'ai dit pour ne pas changer d'avis. Ça y est, t'es soulagé? Ah, mais ça m'a tracassé. Ça fait du bien. Mais ça m'a tracassé. Ah, bah j'imagine, ah ouais, j'imagine. Non, parce que tu sais comment je suis, moi, je suis sanguin, donc je m'en fous. Ah, bah ouais. Ah, puis je vois bien, t'as maigri. Ok, alors. Et ce sang sur tes phalanges aussi. Nous avons décidé. Oui, alors on a décidé, parce qu'on est comme ça, on décide, ok? Voilà. De... Si t'es pas content, c'est la même chose. Exactement, de parler d'un petit dossier. Voilà, plus ou moins. En fait, il s'est avéré. Que je trouve que, encore une fois, même une semaine plus tard, le fait de voir Hollywood Vampire en tête d'affiche de Main Stage me pose un problème. Ouais. J'ai encore mal. En fait, le problème que j'ai, en dépit du choix des groupes et tout ça, déjà, est d'une le fait qu'on le mette autant en avant. Et du coup, ça m'a donné envie de parler avec Bob de ce qu'on appelle des super groupes. Parce que c'est complètement un super groupe entre Joe Perry. Oui, oui voilà. Enfin, c'est complètement. Oui. Voilà. Dans le sens propre du, voilà, du truc. Dans le sens propre du truc. À savoir donc Joe Perry, Alice Cooper et Johnny Depp, qui est l'outsider, mais qui en même temps est donc la partie peut-être différente et qui peut ramener de l'intérêt à la chose. Il y a deux écoles. Qui pourrait ramener de l'intérêt à la chose. Donc on s'est un petit peu vite fait penché sur les. Sur le principe des supergroupes, et je pense que ce qui est important, en fait, ça serait peut-être même de commencer par redéfinir ce que c'est un supergroupe. Je pense, ouais. Eh ben, je t'en prie, vas-y. Bon, je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que c'est pour toi? Un super groupe, c'est un groupe qui est trop bien. Mmh. Ouais. Mmh. C'est trop bien, les super groupes. Bah, moi, j'avais ça aussi. C'est trop super. Bah, du coup, Hollywood Vampire, c'est pas du tout un super groupe. Bah, non, parce que c'est pas du tout super. C'est pas trop bien. Non. Non, un super groupe, en fait, c'est tout simplement plusieurs. Enfin, un ou plusieurs membres de groupes différents qui se réunissent pour créer un groupe, tout simplement, qu'on va appeler un super groupe. Un super groupe. Et qui vont se donner un nom de super groupe. C'est vrai. Souvent, d'ailleurs, les noms de super groupes sont mieux que les noms de groupes. Oui, on peut voir ça comme ça. Ouais, parce qu'ils ont le temps de réfléchir. C'est ça. Ils se sont dit, merde, on a merdé, nous. Et alors, du coup, on va essayer de réfléchir. Et ce qui peut être intéressant quand on voit un super groupe arriver, c'est justement de voir le mélange des genres et des influences en disant, ah bah purée, eux ensemble, ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Quoi. Ouais. Et des fois, c'est quoi cette merde? Voilà. Alors que par contre, il y en a qui... Putain, wow. Et donc, ouais, en fait, ce que je me posais comme question, c'est à partir de quand c'est un super groupe et à partir de quand c'est un nouveau groupe? Bah, un super groupe, en fait, dans le principe, c'est, je pense que c'est des membres actifs d'un autre groupe. Mm-hmm. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, non, mais actif, tu vois, oui, ce que je veux dire. Je veux dire, les groupes n'ont pas arrêté. Voilà, c'est ça. Donc, si on prenait par exemple Cavalera Conspiracy, est-ce que c'est un super groupe? Sachant que les deux ont quitté Sepultura, ouais, voilà, que Max Cavalera reste actif dans Soulfly, ça c'est fort. Que Igor il fait des trucs, bah, je ne sais pas où, à droite, à gauche, mais voilà. Est-ce que c'est un super groupe? Parce que techniquement, sur le papier, ouais. Il faut soyeur, Igor. Il faut soyeur, c'est possible. Alors, on a noté quelques groupes de super groupes et on va en discuter un petit peu. Alors, de base, par exemple, on n'a pas noté tous les groupes de Phil Anselmo. Bah, parce que déjà, ça nous prendrait 2 ou 3 heures, facile. Ouais, facile. Ah. On en a déjà parlé ici, mais c'est avec un plaisir qu'on parle de Killer Be Killed. Qui est le premier super groupe. Sur la liste. Sur la liste. Sur la liste. Tout simplement. Il n'y aura pas tous les super groupes. Non, c'est pas possible. C'est juste une liste exhaustive qu'on a fait comme ça, à la volée, machin. Donc, il n'y a pas... C'est plus pour discuter de... Parce qu'en fait, j'ai l'impression des fois qu'un super... Enfin, pour moi, je dirais à la limite qu'un super groupe devrait presque même rester... Sa limite, ça devrait arriver, faire un album et repartir, quoi. Ouais. C'est vrai qu'un album, je trouve que c'est un bon moyen de dire on a fait ça. Alors, parce que des fois, tu vois justement des super groupes qui se retrouvent à avoir une vraie carrière derrière et que donc... Par exemple, prenons Aldebert. Bon, bah, Aldebert tout seul, ça marche pas, mais Aldebert Enfantillage, ça cartonne. Parce que c'est pas un super groupe, en fait. C'est pas un super groupe. Non, mais alors, prenons l'exemple de Killer Be Killed, à savoir composé de Greg Puciato, de Max Cavalera, de Troy Sander et de Dave Illich, respectivement... chanteur, guitariste de Dillinger Escapeplan, de Soulfly, le bassiste de Mastodonte et le batteur de The Mars Volta, qui a sorti donc pour l'instant un album en 2014. Et quel album ? Et qui est une tuerie de bout en bout. C'est clair. Et qui est vraiment pour moi le... L'exemple type du putain de super groupe. Voilà. C'est comment mélanger toutes les influences des groupes d'où ils proviennent, en mélangeant avec, en faisant quelque chose de vraiment intéressant. Mais ils le font vraiment, quoi. C'est vraiment ça. C'est impressionnant. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas envie d'en écouter plus? Vu la réussite, enfin pour ma part, musicale, et vraiment, comme tu dis, les univers se mélangent vraiment super bien, et si, franchement. Mais c'est ça. Ouais. Alors que pourtant, je pense comme toi sur le fait qu'un album, ça serait bien, quoi. Ouais. Mais là, je pense que justement, je reviens vers toi en disant, est-ce qu'un super groupe ne forme pas un groupe? Et là, je me dis, j'ai plus l'impression vraiment que c'est un groupe qui a réussi à donner sa patte, on va dire, de chaque groupe. Après, Mars Volta, je connais pas plus que ça, mais c'est un batteur, en fait, qui a tourné vachement dans plusieurs trucs. Est-ce que c'est presque plus un batteur de studio ou... Ouais, de ce que j'en ai vu, oui. Après, il a tourné avec très connue, j'en avais parlé, ouais. Des chanteuses américaines ou une chanteuse américaine, mais il a fait pas mal de trucs. Elle est canadienne. Ouais, canadienne peut-être, je ne sais pas. Tu sais, moi tout ça. Ouais, ça passe au-dessus. Bon, l'est de l'Europe, moi, tu sais. Oui, c'est vrai. Et du coup, ouais, voilà. Est-ce que ce groupe-là n'arrive pas justement à former un vrai groupe C'est ma question en fait. C'est, je trouve ça, en fait, au final, on s'en fout. Hein. Tu prends plusieurs musiciens de groupes qui existent, ça fait un super groupe. T'aimes pas, voilà. Mais je trouvais ça intéressant justement de discuter de de comment faire un super groupe, parce que si on prend l'exemple justement de Phil Anselmo qui a fait Super Joint Ritual avec des membres de Hyatt God, qui a fait Down avec des membres de Corrosion of Conformity, de Crowbar, qui a fait d'autres trucs avec à chaque fois plein de membres de groupe. Mais au final, est-ce qu'on peut dire que c'est un super groupe? Parce que lui, en fait, une fois que Pantera s'est arrêté, il a juste reformé des groupes. Oui. Tu vois? Tiens, il y avait cet exemple-là aussi avec Damage Plane. Oui, voilà. Damage Plane qui s'est retrouvé arrêté en plein vol. Malheureusement. Eh ben, comment il s'appelle le... J'ai un trou. Dimebag. Vinnie Paul, voilà. Ah, Vinnie Paul a reformé avec Chad Gray et Greg Tibel de Mudvayne. Et qui est un putain de bon groupe aussi. Mais oui. À tel point que maintenant, il y a plus de news d'Allié que de Mudvayne. Il y a peut-être même autant d'albums l'un de l'autre. C'est fort possible. Donc. Ouais. Je connais pas le nombre d'albums. Mais donc c'est en ça que c'est intéressant, je trouve, de voir qu'est-ce que c'est qu'un super groupe. Si on prend, parce qu'après, à côté de ça, tu vois, Allié aujourd'hui a un vrai, comment on appelle ça, a une vraie carrière de groupe, de la même manière que Stone Sour. Oui, c'est ça, ce que je suis en train de me dire, justement. Est-ce que Stone Sour, oui, c'est Corey Taylor de Slipknot. Corey Taylor, ouais, mais à la base, il y avait Jim Root de Slipknot aussi. Les autres membres, il y a l'ancien batteur de Soulfly, j'ai oublié le nom. Un autre guitariste d'un groupe, mais je ne sais plus le nom, et le bassiste, je ne sais plus d'où ils l'ont pris là. D'accord. Je crois que c'est le bassiste de Cavalera Conspiracy, mais je ne suis pas sûr. Ça va dans. Mais tu vois, du coup, qu'est-ce qui va définir que ce soit un super groupe ou un projet parallèle, tu vois? Parce que Stone Sour aussi a une grosse carrière maintenant. Donc, que ce soit Allié ou Stone Sour. C'est vachement... En fait, il y a très peu de... En dehors... Vraiment, Stone Sour doit être le groupe qui... Où le Corey Taylor alterne vraiment Stone Sour, Slipknot, Stone Sour, Slipknot, Stone Sour, Slipknot. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres groupes comme ça où ça alterne... Ouais. Après, c'est vrai, je ne sais pas... Les super groupes... Non, parce que si on prend Phil Anselmo, c'est vraiment le contre-exemple, parce que lui, il en fait tout le temps des groupes. À tour de bras qu'il en fait, c'est sûr. Donc, je pense qu'en fait, lui, il fait plus son emploi du temps en fonction de ça, quoi. Bah, je peux pas, parce que là... Oh, bah, j'ai une heure. Bon, j'ai formé un groupe. Ou si tu prends... C'est peut-être lui qui est appelé par d'autres aussi, membres de groupes, en disant, tiens, est-ce que ça te dirait de faire ça, parce qu'ils sont fans, peut-être, à la base de Pantera Ouais, mais après, quand tu regardes bien... si tu regardes, en fait, si tu prends tous ces projets entre Super Joint qui est Super Joint maintenant et plus Super Joint Ritual, Down et les autres groupes qu'il a, en fait, ils se retrouvent sûrement avec tous les mêmes musiciens à être tous les ans en Hellfest, en fait. Que ça soit... S'il y a une année, lui, il va être avec Down et puis de l'autre côté, il va y avoir les mecs de Hyatt God, donc... C'est un gros fan du Hellfest, apparemment. En plus. Bah, c'est un ami à Ben. Hein. Oui, c'est ça. Après, si on prend des exemples comme... regarde Dem Crook Vulture avec Dave Grohl, Josh Homme et John Paul Jones. Alors, eux, ils ont créé un groupe, par contre. Voilà. Musicalement, par contre, on reconnaît quand même un peu la patte de Queen of the Stone Age. Bah, un peu, ouais. Et puis, Led Zepp, un peu moins, parce que je trouve pas ça... Il y a des influences. Il y a des influences, quand même. Ça sonne un peu, quand même, 70, ça sonne un peu à l'ancienne avec des trucs. Et puis, Dave Grohl, hein, forcément. Dave Grohl, lui, c'est le, c'est le Rémi Bricca du rock'n'roll. Mais pareil, voilà, là, ils ont créé un groupe. Mais donc, Est-ce qu'on est sur un super groupe? Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qui va définir plus l'un que l'autre? Moi, je trouve ça... Justement, Killer Be Killed définit vraiment le super groupe. Parce qu'ils ont mélangé toutes leurs influences. Bah ouais, puis on les reconnaît. On reconnaît bien les influences de tous. Donc, à la différence donc, de Dave Crook Vulture, qui était genre trois musiciens qui se sont dit, venez, on fait un groupe, on va faire de la musique de ça. Ou c'est juste le fait que... je pense qu'ils ont voulu se retrouver. Ah putain, j'en sais rien, c'est pas évident. Alors les gars, Dave Grohl... Si jamais t'écoutes, forcément. Ouais, après, je ne sais pas. Après, prenons un autre exemple ou un autre contre-exemple. Audioslave. À la fin de Rise Against the Machine, Chris Cornell est venu, a pris les autres membres de Rise Against the Machine à dire venez, on continue, on fait de la musique. Vous faites rien, là. Vous faites rien. Venez, on fait un truc, mais je vais vous donner. Il a ramené autre chose. Et du coup, là, je trouve que ça fait un super groupe dans le sens où il la garde. C'est comme s'il avait pris la base musicale et rythmique des Rage et qu'avec lui, ils avaient fait autre chose. Ouais. Alors qu'avec Prophet of Rage, groupe dont vous savez dont je suis fan. Ouais, totalement. Là, ils sont retournés vers quelque chose qui est beaucoup moins super groupe, je trouve. J'arrive pas trop à dire que c'est... Enfin, j'arrive pas à définir vraiment que Prophet of Rage soit un super groupe. Bah, voilà. Donc, c'est plus... Tu vois, c'est... Tu vois, j'ai plus l'impression que c'est un hommage à Rage Against the Machine. Voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord parce qu'encore une fois, j'ai beau cracher d'une certaine manière sur Prophet of Rage, je reconnais que c'est bien. Que c'est bien et que ça fait la cam. Je dis juste que ça surfe sur quelque chose de nostalgique et que ça va pas plus loin. Ouais. Tu veux, si on prend l'exemple, je trouve que Audioslave est plus dans l'esprit supergroupe de mélange de chacun des genres. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est plus dans ce truc-là. Si je devais prendre l'exemple de A Perfect Circle, par contre, il y a vraiment des musiciens de groupes différents, donc que ce soit le chanteur, que ce soit Tool, donc le bassiste, je crois, de Marilyn Manson, James Iha, qui était dans les Smashing Pumpkins. Ça, ouais. Ça fait vraiment un mélange d'influences qui marche. Et aujourd'hui, A Perfect Circle, qui sont en main stage au Hellfest. C'est devenu un groupe, mais ça l'a toujours été en fait. Dès le premier album, tu avais vraiment l'impression d'écouter un groupe parce qu'il n'y avait pas forcément. Il y a aussi certainement le côté actif des membres dans leur groupe respectif. C'est ça, tout l'étant un groupe, toujours un peu je sais pas comment on appelle ça, en hibernation, plus ou moins. On ne sait jamais quand ils vont ressortir, tout. Ouais, mais et puis c'est pareil, Maynard James est toujours un petit peu avec d'autres groupes parce qu'il est aussi Pucifer. Oui. Il a un petit peu la maladie de Phil Anselmo de reformer des groupes à la Rego. Mais après, c'est tout à son honneur de vouloir faire de la musique différente avec d'autres membres. Et, c'est plus la notion de ça plutôt cool. Tu vois, c'est plus la notion de ce qui définit un super groupe, d'un nouveau groupe, de est-ce que le projet de base est défini bien avant ou pas, tu vois. Ouais. C'est plus ça. Après, tu vois, par exemple, l'exemple que j'avais marqué de Chicken Foot, à savoir Sammy Hagar et Michael Anthony de Van Halen, Joe Satriani et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Là, quand tu écoutes la musique que je t'ai fait écouter un petit peu, tu as vu, c'est rock, ça passe bien partout. Bah, on reconnaît quand même l'influence un peu Red Hot. Un peu, ouais. Groove, Et puis il y a Satriani qu'on peut pas. Satriani qui avait joué avec Van Halen aussi, je crois, à l'époque. Ah, c'est fort, je crois. Et en fait, quand tu les vois, c'est vraiment à la déconne et à la cool parce que même dans leurs clips, ils ont une image un peu détente, sachant que Joe Satriani passe les trois quarts de son temps tout seul. Enfin, il a ses musicos, mais il n'est pas vraiment dans un groupe. Je pense que là, on est plus sur la création de groupe. Tu vois, il s'assuit l'idée du peut-être du super groupe, mais on est un peu dans le groupe, genre, voilà. Pareil, parce que dans le même genre, Chad Smith a aussi tendance à jouer sur beaucoup d'albums. Enfin, beaucoup de dans beaucoup de groupes différents. Ouais. Du coup, si on parlait un petit peu de nos terres françaises et du bal des enragés, c'est un groupe que tu connais, que tu as déjà vu ? Oui. Que penses-tu de ce groupe ? Ben, c'est déjà à la base, c'est pas un super groupe. Bah, il y a déjà membre de plusieurs groupes quand même. Oui, mais c'est pas un super groupe dans le sens où ils font que des reprises. Il n'y a pas d'original. Je veux dire, ils font pas une création originale. Bah, c'est ça que de en ce fait, groupe. Oui, mais alors, ils pourraient s'appeler le Bal des Enragés en étant un super groupe à partir du moment où ils créeraient leur musique à eux. Là, ils font que des reprises. Des reprises larges en plus. Hein. Oui, ouais, non, mais ils reprennent large. Hein. Rob Zombie, Berruerie Noire, Sepultura. Sepultura, voilà. Je suis d'accord. Et j'irai un petit peu plus loin, par contre, dans le sens où ils amènent quelque chose d'autre quand même à leur spectacle. Alors, pas au Hellfest, parce qu'on les a vus il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. J'ai pas été les voir. Ah, moi, j'avais été les voir. Je les ai vus 2 fois et, avant, en vrai show. Ouais, en festival. Et normalement. Normalement, il se passe aussi un truc sur scène. Il y a des. Il y a plein de trucs, ouais. Des lunettes que j'avais trouvé ça super cool. Ouais, là, disqueuses et tout. Ouais, il y avait pas ça au Hellfest. Je crois pas qu'il y avait ça. Je suis pas sûr. Mais non, il y a un vrai show, il y a un vrai truc, quoi. Et ils sont un milliard, je crois. Ils sont beaucoup. Ils sont. Il y a Parabellum, Lofofora, Tagada Jones. Il y avait Michel aussi. Il y avait Michel. Si, il y avait le groupe. J'ai KMFDM dans la tête, c'est pas ça. Le groupe français qui fait d'électro. Phoenix ? Mais non, d'électro métal. Oh merde, c'est un groupe français qui est très cool. Daft Punk ? Mais non ! Un groupe français qui fait de l'électro métal ? Ouais. Un groupe. Ah merde ! Je leur dirai la prochaine fois, je le retrouverai. Non, bah attends, j'ai regardé. Mais non, tu le retrouveras pas comme ça. Pourquoi ? Parce que tu le retrouveras pas comme ça. Tu prépares des trucs pour. Je prends mes cartes. Ouais. À l'ère du Jurassique. Oh. Bonsoir. Le stégosaure. Cet herbivore dont le volume de la boîte crânienne ne dépasse pas celui d'une balle de ping-pong possède au milieu du bassin, un renflement qui fit penser qu'il possédait deux cerveaux. 9 mètres de long, 5,6... Tu l'as ? Bah écoute, là j'ai la biographie, ils disent avec les musiciens Tagada Jones, Parabellum, Lofofora, accompagné de Stéphane Buriès de Loudblast, 15 des Punish Yourself. Punish Yourself, c'est ça que je cherchais. C'est l'électro ça ? Bah oui. Ah d'accord, j'ai pas. Oh, mais toi, je te jure. Poon de Black Bomba et Vince d'Acme. Voilà. Voilà. Et sans oublier les performances visuelles de plein de gens. C'est ça. Donc ils sont à peu près 120, 130 sur scène. Voilà, à peu près. Ouais. Enfin, il y a le mec de Parabellum qui est plus là, donc ils sont 125. Bah oui, du coup. Voilà. Et bah oui, du coup, je te rejoins sur le fait qu'ils n'ont pas d'identité musicale propre, sauf qu'ils mêlent à ça un visuel qui est intéressant en fait. Je pense que sans oui, le visuel. Oui, mais ils sont pas, je pense, considérés comme super groupe. Bah, d'accord. Donc là, si on n'est pas sur un super groupe, on est sur quoi alors ? Je pense qu'on est plus sur un show. Voilà. Comme pouvaient le faire justement les Berberiers Noirs à une époque. D'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Un show spectacle avec de la musique et tu vois, que ce soit vraiment la fête en fait. Je pense qu'ils avaient plus ça en tête, c'est vraiment de faire la fête à plusieurs, se retrouver sur scène, faire les cons et faire plaisir au public, et je pense que ça marche. Ouais, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Voilà, je pense que c'est tout simplement ça. Et c'est important, et c'est en ça que je voulais parler de ce groupe, parce que Hollywood Vampire, c'est la même chose, c'est un groupe de reprise. Et c'est ça, pour moi, où le côté super groupe... Ou le bas blesse. Ou le bas blesse. Parce que quelque part, il y aurait un album avec oui. Une vraie identité musicale. Oui, mais il n'y a pas la même énergie non plus. T'as vu des lives ? Bah non, mais j'ai entendu. Hein, oui. Franchement, c'est pas... Non, mais qu'il y ait l'énergie ou pas, après, ils peuvent avoir décidé de faire un style un peu plus calme. Tu vois, un peu un truc cocooning. Ouais, c'est ça. Au coin du feu, avec un petit verre de brandy. Exactement. Un cigare à la bouche. Mais là, vraiment, ce qui est gênant, je trouve, c'est que je vois pas ce qu'ils apportent les uns aux autres dans le truc. Pas du tout. C'est juste parce que c'est des grosses stars connues et qui se sont dit, tiens, on va se faire ça, ça va être sympa. Oui, mais alors, dans ce cas-là, on peut se dire... Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je vois la chose. Quoi. La démarche est peut-être pas mauvaise de leur part. C'est peut-être leur popularité mais et celle de Johnny Depp qui a permis qu'il nique un peu le truc. Quoi. Je pense que c'est Johnny Depp qui nique le truc. Oui, mais sa popularité, pas forcément lui-même volontairement, tu vois. C'est plus le fait qu'il soit ultra connu qui fait hey, on a Johnny Depp. Ah oui, mais pourquoi ils l'ont pris alors ? Ah bah. Ils auraient pu prendre n'importe quel guitariste, tu vas pas me dire que ce qu'ils font, c'est pas donné à des gratteux connus de groupes. Non, c'est pas voilà. Ça. Johnny Depp, il a toujours eu envie de faire de la musique. C'est connu, il en a toujours plus ou moins fait, il a déjà accompagné Iggy Pop, tout ça. Ouais, bien sûr. C'est un pote à Manson, un voilà, machin, non. Et bidule. Ouais, non. Il aurait très bien pu jouer, il aurait pu faire un milliard de trucs. C'est normal qu'il ait envie de se faire un groupe avec ses potes. Je suis plus dans le côté... Pourquoi ? Attends, après, c'est l'histoire qui nous dira, il y aura peut-être quelque chose qui va sortir, genre un vrai album. Peut-être, t'imagines, ce serait énorme. Bah, pour le coup, ça serait intéressant d'avoir des influences d'Aerosmith, d'Alice Cooper, et de voir ce que va nous sortir un Johnny Depp. Moi, je serais curieux de voir ce qui se passe en composition. Le côté super groupe de reprise, après tous les autres exemples qu'on a donnés, en fait... Dans ce qu'on a cité, on a surtout cité des groupes avec une identité, sauf Prophet of Rage. Mais. Ouais. Bah, ah Cocorico, j'en ai oublié un. Émile et Images. Émile et Images. Avec des membres. Cocorico. De... Cocorico. Attends, parce que pour la blague, il était avec les autres groupes hein, sur la page. Ah, c'est bien ce que tu m'as dit, ouais. Donc, Émile qui vient du groupe Gold et Images qui vient de. De Images. Voilà. Donc bah ouais, mais quelque part on est face à un face à un super groupe. Bah non en fait, parce qu'ils font des reprises d'eux-mêmes. Ça c'est encore plus moche. Ah, c'est typiquement français ça. Ils font des reprises d'eux-mêmes. Les mecs sont pas induits de leur personne du tout. Non, c'est à dire que bah Émile Image reprennent des chansons de Gold et de Image. Musicalement c'est un petit peu varié quand même, c'est pas tout à fait la même version. Ouais. Bah, il y a un petit Image est venu mettre un petit côté dans. Veste à épaulettes à paillettes. Exactement. Non, mais. Rue déserte, dernière cible. C'est vrai. maîtresse mais on s'égare. Non, je trouve qu'on est totalement dedans. Dans le thème. Hein. Ah ouais, enfin, tout ça pour dire qu'au final, malgré tout ce qu'on a pu dire sur la com et tout ça, ce qui déconne complètement dans cette affiche, c'est Hollywood Vampire. Le groupe n'a rien à faire dans les 13 premiers noms annoncés. Et en main stage, oui. Tête d'affiche du main stage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Alors après, voilà, peut-être qu'ils vont nous sortir un truc et je serai le premier à dire, ok, les mecs, on est méga assurés, mais... Et on le dira. Et on le dira, on saura le reconnaître. Regardez-moi tout à l'heure, j'ai bien reconnu que j'avais raison sur Dagobah, donc... Oui, c'est ça. On est tout à fait prêts à revenir. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant le principe de super groupe, parce que c'est vrai que t'as toujours envie de voir comment peut sonner un mix de tel ou tel groupe. J'avais pas cité non plus, que j'avais mis dans ma liste, Velvet Revolver, avec les membres de Guns N' Roses et Scott Weiland au chant, des Stone Temple Pilots, qui est un groupe qui avait quand même sa propre identité. On reconnaissait un petit peu moins les Guns, même si jamais. et j'ai pas cité non plus Nile. Vous avez pas entendu non. Ce qu'il a dit. Nile Bond, qui était composé de Max et Igor, de Alex Newport de Fudge Tunnel, Dino Cazares de Fear Factory et D.H. Peligro des Dead Kennedys. Qui était un groupe, franchement, t'écoutais Sepultura à cette époque-là, d'un seul coup t'as Nile Bond qui arrivait, qui était encore plus vénère, tout, qui était. Oh, c'était un bulldozer, Nile Bond. Je sais pas si t'avais écouté l'album. Mais... Non. Oh, c'était un bulldozer. Moi, je l'avais eu en espèce de version pirate et tout. Ah oui. C'était un truc, mais j'ai dit, mais putain, mais c'est le truc le plus ouf que j'ai entendu. Mais c'était, voilà, c'était un vrai truc. Et je crois qu'ils ont refait un deuxième album et c'est tout, quoi. Mais c'est genre, à chaque fois, tout le monde disait, mais en fait, un album. Tout le monde attend un nouvel album d'un album. Hein. Ah, ouais. Ah ouais, non. Donc, moi, je trouve ça cool quand tu tombes sur des trucs comme Killer Be Killed et qui te mettent une claque monumentale dans la gueule, quand tu vois des Dem Crook Vulture qui te scotchent par le côté, putain. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait qu'un album, Dem Crook Vulture. T'es sûr ? Ah oui. Ah oui, si, bien sûr. J'en appelle à Spotify. Ah bah non. Non, bah non, bah non, mais je le fais. Commence pas à regarder. Bah non. Bah donc quoi ? Bah Dem Crook Vulture, moi, je suis quasi sûr qu'ils ont fait qu'un album. Hein. Ils ont fait qu'un album, tu as raison, tu es le mentor de ce podcast. Je ne voulais pas le dire en public, mais. Je veux pas le dire en public non plus, mais j'ai grave envie de pisser. Ah, bah écoute, ça tombe bien. Voilà, donc en tout cas, c'était ce qu'on a voulu dire un petit peu sur les super groupes, à savoir que c'est très cool, il faut en faire, faites-en, continuez d'en faire, c'est toujours cool. Même Stone Sour, qui a des chansons un peu moins ouf que dans Slipknot, l'entendre dans un autre registre... C'est différent. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Et donc, du coup, bah, est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Plus maintenant. Ça fait 1h12. C'est pas mal. C'est moins long que le nombre de trucs qu'on avait à dire proportionnellement. Ouais. Le ratio. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de faire du remplissage ? Je ne crois pas. Non. Et puis il est bien d'avoir de temps en temps des épisodes moins bien. Voilà. Donc du coup, on arrête là. Oui, oui. Bah ouais. Très très bien. Et bien, comme d'habitude, hein, on ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine. Ah si, voilà. si, on peut annoncer déjà en avance pour nos fans. On n'aime pas laisser les gens en galère, on n'aime pas abandonner quelqu'un face à son destin, mais il va falloir vous faire une raison. Road to Hellfest ne sera pas présent pendant les périodes de Noël, car il y a une certaine personne qui ne le souhaite pas. Qui ne le souhaite pas, et voilà. Donc il y aura une pause estivale. On nous a demandé 15 jours. Pas à moi. On nous a demandé 15 jours, on les a pas acceptés. Voilà, c'est ça. Mais on a, voilà. Donc il y aura au moins. Bon, on n'en est pas là encore d'ici là, on a le temps de passer des semaines à ne rien faire, mais. Oui. Il y aura sûrement une petite pause dans la période de Noël, jour de l'an. Tout le monde s'en fout. Exactement, mais je tiens à le préciser maintenant. Mais c'est bien. Voilà. Et que, du coup, eh ben. Non, parce que moi je pense aux gens. Je sais pas, en fait, il y a deux écoles. Toi, t'es comment en jour de l'an ? Parce que moi, par exemple, j'aime pas spécialement ça. Moi non plus. Ça me casse un petit peu les rouleaux. Ouais. Je le fais plus par. Je suis malheureux. Hein. Je le fais plus par convenance que par envie. J'ai pas envie, moi. Non ? Ah, le jour de l'an, c'est pas. Bah, j'ai non. Même été bossé, moi, des fois, le jour de l'an. Bah, ça me dérangerait pas. Je m'en fous un peu, moi. Le côté, ouais, en fait la nouvelle année. Oui, bon. Bah, non, mais on m'a demandé pour aller bosser, ça m'a pas. Ouais, mais le soir, je faisais quand même. Aucun intérêt. Non. Donc normal, quoi. Non, je me faisais du pognon, puis je me barrais. Non, mais d'accord, mais à un moment donné, ta famille, tout ça, déjà, on faisait. Ah, bah j'étais avec mon frère, donc. Ah oui, non, mais tu remontes à ça il y a loin. Tu parles. Oh. Aujourd'hui, comment ça fait. Aujourd'hui, bah non, c'est plus en famille. Ah, attends, vous êtes mille. Bah oui. C'est ça. D'accord. Ouais, comme le bal des enragés, c'est. Ça revient au même. Eh, vous pourriez faire votre contre-bal des enragés. C'est ça. Le bal des gens pas contents. Non, ou les gens bal contents. Des gens contents. Ouais, c'est ça. Du coup. Moins vendeur. Des moins enragés. Ou des rageux. Oh, le bal des rageux. C'est déjà ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu t'en vas donc. Ouais, meuble. Vas-y, meuble. D'accord, je vais meubler. Super. Ok. Ok, très très bien. Donc. Il faut que je vous avoue la vérité, Bob est parti pisser. Voilà, donc, alors c'est bien, on avait fini, il aurait pu attendre 30 secondes, genre dire au revoir à tout le monde, tout ça. Très très bien. Eh bien, je vais vous parler de le Parkeria, qui remonte à 225 millions d'années avant nos jours, hein, ce qui va quand même pas nous rajeunir tous autant qu'on est. On a longtemps cru que les dinosaures descendaient de ce petit animal, qui ressemble un petit peu à un lézard ou à un crocodile maigre. Reptile carnivore courant sur ses pattes postérieures, on poste aujourd'hui qu'il a donné naissance au carnosaure bipède du Jurassique. Et ça, laissez-moi vous dire que ça vous la coupe. Ouh là là, l'Ichthyostega, 345 millions d'années avant nos jours. Et c'est un carbonifère, mais vous le saviez déjà bien sûr. C'est sans doute un des premiers amphibiens. Et ça... 1 mètre de long, à cause de ses pattes courtes et trapues, il se déplace avec maladresse sur le sol. Plus à l'aise dans l'eau, sa queue est semblable à celle de... Putain, mais déjà ? Putain, mais tu pisses vite ? Je laisse un blanc pour l'importance de l'information. Plus à l'aise dans l'eau, sa queue est semblable à celle des poissons. De par cette existence semi-aquatique, semi-terrestre, il se nourrit de poissons et d'insectes. On dirait ma mère. Voilà. Du coup, maintenant que tu es revenu, on peut dire au revoir. Non. Ah, mais tiens, si, un truc qui peut être intéressant. Tant que moi, je termine ma petite bière. Mais dis-moi, ne t'aurais-je pas prêté le dernier album de Trivium cette semaine ? Ah, si. L'aurais-tu écouté par Zahar ? Non. Voilà. Tu vois ? Ne mens pas au public, on a dit de la transparence. De la transparence. Alors oui, bon, j'ai des comptes aussi, le Caïman. J'ai un appartement payé par nos sponsors. Cette semaine, c'est Lef qui nous sponsorise. Oui, Lef Triple, Lef s'il vous plaît. Oui, parce que Monsieur Kane Burden ne veut pas nous payer. C'est ça, donc on a changé de crèmerie. Voilà. Et voilà, ça te déblonne. Et donc oui, j'ai écouté le dernier album de Trivium. The Sin and the Sentence. Voilà, le nom. Et bah écoute, cette musique, c'est l'histoire de Saint-Ger. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Voilà. Non, aucune raison. Je l'ai quand même extrêmement bien dit. C'est vrai. Tu devrais, être... doubleur. Guitariste, acteur... dans un super groupe. Ça serait bien ça. Faudrait pas avoir un groupe pour être super groupe ? Ben, on a un groupe. Ouais, d'accord, mais je peux faire un super groupe, c'est nickel. Ouais, grave. Donc alors, ton petit retour avant qu'on ait tué tes gamins. Mon petit retour, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà. Je l'ai écouté de bout en bout. J'ai écouté tous les morceaux jusqu'à la fin. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que c'est du bébé brune ? Oui et non. Réponse de Normand. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas du bébé brune, forcément. Quoi. Mais moi, je te l'ai dit, j'ai toujours du mal avec les voix claires, les voix qui braillent d'un coup, qui revient sur du clair. Mm. Mais là, je la trouve beaucoup moins... niaise que les autres voix qu'il a pu faire sur certains morceaux que tu m'as fait écouter. Oui, je suis entièrement d'accord. Et du coup, ça passe mieux parce qu'il est un petit peu plus grave et plus posé pour ma part. Et je dirais même que c'est le. Pour ma part, je te poserai une question, est-ce que c'est l'album de la maturation ? Je pense oui. Ouais. Ouais. Ouais. Du coup, en fait, moi j'aime bien ce genre d'album quand il est entre. Il suit un album beaucoup plus décrié, où il y avait pas, il y a un album décrié où lui n'a pas crié justement. Ouais. Il sort cet album là qui est quand même vraiment, encore une fois, je trouve une réussite. Du coup, moi, je suis hyper impatient de voir qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, tu vois. Tu vois, donc. Ah, tu l'attends au virage, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, puis non, mais le fait, j'aime être surpris, j'ai envie de voir ce qu'ils nous réservent. Tu vois, on en revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois, de savoir est-ce qu'un groupe est bien, s'il reste toujours pareil ou pas. Et en fait, je crois que je préfère quand je suis surpris, même si la surprise, c'est une prise de risque et que du coup, bah. C'est ce que je me suis dit avec les derniers Queen of the Stone Age. Oui, sur la prise de risque. Oui, voilà, je respecte la prise de risque, mais moi, je suis pas fan. Bah. Moi, ils m'ont perdu, ouais. Bah, depuis Lullaby, ouais, ils m'ont perdu. Et j'ai bien aimé Lullaby's to Paradise. Et après, derrière, j'ai pas trop suivi. Chaque fois, quelque chose m'empêchait de. J'arrivais pas à rentrer dedans. Moi, ouais, franchement, les premiers albums, les trois premiers albums sont les meilleurs. Je suis d'accord. Voilà. Mais après, ouais, Trivium, bah oui, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. Je pense que je l'écouterai pas facilement comme je peux écouter des albums de groupes dont je suis fan. Mais ouais, voilà, parce que déjà c'est pas forcément ton style. Donc c'est pas mon style, mais on passe un morceau, ça me pose pas de problème. Mais tu, enfin, est-ce que tu vois un peu ce que je voulais dire en tout cas quand je disais ouais, il est bien cet album, tu vois. Ah oui, non, tout à fait. Bien sûr, non, il y a pas de souci. Eh ben, je suis content du coup de ne pas avoir eu de musique dans ma voiture pendant tout ce temps. Ouais, ça va quoi, c'est depuis samedi soir. Oui, et puis j'ai bossé qu'aujourd'hui, donc il y avait qu'aujourd'hui. En plus. Mais c'est pour le principe. Du coup, eh ben, on va arrêter là, 1h21. Bon, bah écoutez, on espère que vous avez aimé. Voilà, nous c'était. Ça manque de bonbons, je crois. Écoute, c'est pas vraiment. Bah, ça manque de grignotage, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas. On peut pas toujours satisfaire tout le monde. On fait un effort pendant quelques épisodes. Merci, Vincent. Moi, je ne te remercie pas. Mais bon. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon ce que vous voulez. Ou une bonne journée, semaine. Ou une bonne nuit. Le Hellfest, vous n'hésitez pas. Hein. On a un mail, un truc, vous nous contactez. Rob, si tu as besoin de conseils sur comment ne pas voler des riffs. On je suis là. Johnny Depp, si tu écoutes, bah passe ton chemin. Prophet of Rage aussi. Non. Bon, il peut venir avec une bonne bouteille de vin. Ouais, il va être chiant, il va parler que de lui. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour dire au revoir aux gens? Sodome. Oh, curcubitacé. Ouais. C'est pas mal ça. J'aime bien, c'est mon petit côté. primeur. D'accord. Ouais. Bah, on a tous. La plage, le soleil, tout ça. Les femmes. Bien sûr. Vas-y, tu peux dire la formule consacrée, s'il vous plaît. Alors, j'arrive jamais vraiment. C'est pas grave. Alors, faudrait que je la note. Ouais, mais tu vas la déterminer déjà. Tu vas me dire si c'est bon ou pas. Vas-y, note. Ou dis-le de plus. Ouais, d'accord. Alors, on vous emmerde et on vous aime. Ouais, c'est bien. Moi, dans ce sens-là, ça me va. Merde. Quoi, c'est un morceau de phallogramme. On vous. Ça me paraît les pipettes. Ouais. Et vous aime. Attends, on vous aime et on vous emmerde. Non, et on vous emmerde. On vous emmerde et on vous aime. On vous aime et on vous emmerde. Ah, j'aime bien la première, moi. On vous emmerde et on vous aime. Ouais. Ouais, non, si, c'est bien. Parce qu'on pourrait aller jusqu'à la sodomie, mais après, c'est trop intime, tu vois ce que je veux dire. On retombe sur la pente qui est pleine de boue. Ouais, voilà, c'est ça. Et savonneuse, du coup. Oui, aussi. Une pente boueuse. Mais est-ce que, du coup, ils ont commencé par la savonner avant de mettre la boue? Non, en fait, ils ont mis la boue, enfin, ils ont fait couler de l'eau sur la terre, et après, ils ont astiqué au savon. D'accord. Ah, c'est une démarche, quand même. Hein. Eh ben, il y a de la volonté. Hein. Les gens, pour faire chier, ils sont toujours là. Hein. Mais bien sûr. Bon, bah voilà, allez. On se casse, maintenant c'est moi qui ai envie de pisser. Wouh! Oh bah super. Allez! Puis je vais pas meubler, ça sert à rien. Puis maintenant. Bah non, c'est fini là. Terminé? Bah on arrête. Bon, on arrête. On arrête. Flûte. Traversière. Non, traversin. Traversin. Ah là là! Petite à la maison, grand est notre cœur. Acta concept, un boulevard Malvoisine. Ah bah non, il fait pas, il ah bon jamais nous sponsorisons. Jamais, d'accord, bah je reprends un autre truc. Agi Waga, v'là les chocolats. Agi Wagi, v'là les pissenlits. Super promo, 4,99€ le kilo de persil. Tu veux que je te dise, tu vois cette bière qui reste, mais je vais pas la boire, tu ne la boiras pas, je la remets. Voilà, c'est ça. Et tu penseras à nous quand je vais la boire. Voilà. Allez, au revoir à tous et à la semaine prochaine, normalement. Des bisous. Des bisous, carrément. Un bisou. Bon, oui, enfin, après... Ok. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir à tous et une poignée de bien, bien sincère. Oh, non, t'as retenu. Ah non, je suis non, je sais pas. T'es... Bonsoir à tous. Ah, d'accord. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Putain, c'est sobre, c'est parfait. Check. Bah ouais, bah non. Ah non, ok, d'accord. Bon, bah c'était l'épisode 7 de Road to Hellfest. Ça vaut ce que ça vaut. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Même moi, j'irai pas jusqu'au bout, donc je pense que j'entendrai pas ça. D'accord. Mais alors, qu'est-ce... Bah, vas-y, comment tu finirais, toi? Je sais pas. Ah putain, ouais, c'est compliqué. Hein, mais c'est pas... Non, mais t'es, faut faudrait qu'on arrive à trouver une formule. Tu vois, tu l'as ta formule. Ah, vas-y, alors. Alors non, attends, attends. Je sais, non, je dis au revoir, bonsoir à tous, et toi tu termines par ça. D'accord. Bon, bah voilà, c'est la fin de cet épisode 7. On espère que vous aurez aimé autant que nous. Nous, on a passé un bon moment, c'était chouette. Du coup, on vous souhaite à la semaine prochaine et une bonne soirée à tous. On vous souhaite à la semaine prochaine. Bah non. On peut pas souhaiter okay, à la semaine okay. prochaine. Non, d'accord, je recommence. 3, clap. C'était l'épisode 7 de cette saison 2 de Road to Hellfest. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Putain, là, c'était bien. Ouais, c'est bien. Hein. Nickel. C'est là. Parfait. Que, du coup, parce qu'en fait... Ah oui. Ok. On vous emmerde et on vous aime. À la semaine prochaine. Ciao. Mais non, c'est pour ça, des bisous. Non. Des bisous. Ah, voilà. Des bisous. Non. Ah, ça fait pas très métal. Non, c'est pas très métal. En même temps, les ok, des métal. Non, non, je sais. Des headbangs. Non, ça marche pas. Non, bah non. Des bracelets à clous. Non, non plus. Des chaussures. Quoi non, quoi j'ai regardé. T'as ouais, t'es prêt? Donc vas-y, en fait, vas-y. Quand je te fais le signe, c'est toi qui enchaînes. Ok, vas-y. Donc voilà, c'était l'épisode 7 de cette saison 2 de Road to Hellfest. Oh, mais non, comment tu peux foirer là-dessus? Parce que... Ok, c'était l'épisode 7 de la saison 2 de Road to Hellfest. On espère que vous avez aimé. Passez tous une bonne soirée. On vous emmerde et on vous aime. Et à la semaine prochaine! C'est le bruit que font les paillettes. Quoi. Ouais, c'est ça, quand ça retombe. Oh, t'as vu, c'est beau. Dingue, ils ont des paillettes. Oh, c'est super. Mais qui c'est qui passe le balai après? Oh. Ah, la même personne qui ramasse les bières. Ils sont trop bons, ça, franchement. Et moi, je les écoute toutes les semaines, ils sont géniaux. Ouais. Et viens, on en profite, à ce moment-là, personne écoute. On fait un petit auto-bilan de cet épisode. T'es moyen, quand même. Ouais, franchement. Et tu l'as entendu, sérieux, Jack? Quoi? Qu'est-ce qu'il est lourd. C'est le plus sincère des deux. Lui, il joue pas. Ouais, mais Bob, franchement, il est pas très, très fut-fut. Hein. C'est pas vrai. Connard. Enfin, pour ma part. Hein, non, c'est pas vrai. Je trouve que c'est un mec formidable, alors que Jack, c'est un escroc de première. Bah, c'est, je dirais bien la même chose, mais franchement... Et tu trouves pas que les rots, tout ça, c'est un peu abusé, quand même. Les quoi? Les rots. Ah, ouais, ça, je trouve ça scandaleux. Ouais, c'est clair. C'est comme les mecs qui vont pisser, ils se retiennent jamais derrière. Ouais, putain, ça, faut qu'ils... Ouais, c'est bon, ça me saoule. Allez, à la semaine gueule. Prochaine, allez. Salut. Salut, Joe. Oh. Tu viens de tuer mon graphique de son. Ouais, Joe. Wesh, Joe. Allez, allez. Bonsoir à tous. Voilà. Spécial dédicace. To Joe. Oui, allô? Non, c'est un lanceur fellow qui est... Ah d'accord, ah oui. C'est-à-dire qu'on est mort en fait. Bah, oh merde. Putain, la blague. Mais je te jure que si tu fais rien, ça fait... Pareil, regarde. Bah oui. Eh ben non, ça fait rien. Bon, si allez. Tu fais rien, ça fait rien. Oh, t'as un message. Ouais, on me dit... Ah, et un Snapchat. Allez, au revoir. Non, c'est nul. Bon, allez. Bon, on va aller bouffer quand même. Hein. Je pense que je vais couper. J'ai des cheveux partout. Allez, bisous. Ouais, salut. Bisous, bisous, salut. Bisous. Hey, wouhou, bisous. Hello Kitty. En fait, je fais des cœurs avec mes dos. Vous les voyez pas, mais je fais des cœurs avec mes dos. Non, alors parce qu'en fait, c'est que je laisse toujours un peu de blanc, c'est volontaire. Ah ouais, d'accord. D'accord, c'est pour ça. Voilà.